sourit à la lune. Mais la lune ne lui sourit pas. Au soleil, elle a brûlé ses yeux. Ne lui reste que de billes de sang. Qui roulait ses gares au loin. Combien de fois ils m'ont traversé sans me voir. Je ne sais jamais ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle ne pense pas. Peut-être qu'alors elle enfante des rêves. Qu'elle va cacher dans les nuages. Bientôt je les rejoindrai. Je construis une fusée avec la NASA. Je l'ai bien, non.